dans les rues de la cité, comme un électron libre, sans endroit pour te poser. Tu avais faim de vivre, t'habitues à les la jouer, sans savoir les règles à suivre, ni tous les pièges à déjouer. J'aurais voulu te sauver, j'aurais voulu te prévenir, ne pas te laisser tomber dans ces galères, ces délires. J'aurais voulu te sauver et t'emmener voir la mer. Petite femme candide, en quête d'affection, tu t'es jetée dans le vide pour la promesse d'une passion. Tu as cru un grand film, plein de couleurs, de sensations, de poèmes avec des rimes. Ce n'était que des illusions. J'aurais voulu te sauver, j'aurais voulu te prévenir, ne pas te laisser tomber dans ces galères, ces délires. J'aurais voulu te sauver et t'emmener. Avec l'alcool et la fumée, vers le soleil qui se lève, mais tu ne veux plus te réveiller. J'aurais voulu te sauver, j'aurais voulu te prévenir, ne pas te laisser tomber dans ces galères, ces délires. J'aurais voulu te sauver.